Audiomatique. We'll be right back. L'artiste britannique Nick Drake n'a fait paraître que 3 albums au début des années 70 avant son décès, survenu le 25 novembre 1974. Son œuvre, fortement ancrée dans la musique folk, n'a commencé à être reconnue à sa juste valeur seulement qu'à la fin des années 70. Et aujourd'hui, il est cité comme un des plus grands auteurs-compositeurs de la deuxième moitié du 20e siècle. En introduction de cette transmission 1-7-3 d'Audiomatique, nous vous avons présenté une des compositions de Nick Drake, soit Time of No Reply, interprétée ici par la formation américaine The Autumns, accompagnée par l'ancien bassiste de Cocteau Twins, Simon Remond. Cette version se retrouve sur le mini-album Covers de The Autumns et la pièce originale, elle, est parue en 1986 sur la compilation posthume Time of No Reply de Nick Drake, qui comprend des chansons inédites et qui fait partie du coffret de 4 disques Fruit Tree. C'est maintenant sur une musique électronique caractérisée par la densité et l'intensité que les électronistes choisissent de poursuivre cette transmission d'Audiomatique. c'est sur la musique de la formation Zeal Wolf que se terminait cette séquence musicale de deux pièces audiomatiques de l'album Metastasen, paru en 1994. Nous entendions la pièce Dreck. Avant Zeal Wolf, c'était le projet Blank Mass mené par Benjamin John Power, qui est également l'un des membres de la formation Fuck Buttons. Donc, de son projet solo Blank Mass, nous entendions la pièce Silent Treatment, qui se retrouve sur son plus récent album World Eater, paru en 2017. Vous êtes toujours en compagnie des électronistes qui vous offrent à entendre à l'instant le groupe The Antlers. Just nothing left to hold. No widows disappear. If the wheels jump. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, nous avions droit au duo John C. and Alex, formé de John C., le chanteur du groupe islandais Sigur Rós, et de l'américain Alex Summers, également membre de la formation Parachutes. Ensemble, ils nous interprétaient la pièce Daniel in the Sea de leur seul album Rice Boy Sleeps. Et pour débuter, on écoutait la chanson No Widows du groupe américain The Antlers, menée par Peter Silberman, chanson tirée de leur album Burst Apart. Le projet Loop Guru nous accompagne maintenant avec sa pièce Gianyar. Nous venons tout juste d'entendre une pièce de l'artiste Bill Laswell, à savoir Factura, qu'on peut retrouver sur son album Oscillation. Et avant Bill Laswell, c'était Loop Guru, et de qui nous écoutions Giant Yar, une composition qui paraît sur son album Amrita, All These and the Japanese Soup Warriors, sorti en 1994. Vous comprendrez sûrement que la transmission 173 de Dumatic doit bientôt tirer à sa fin. C'est avec le groupe américain R.E.M. que nous laisserons cette transmission émettre ses dernières sonorités. Nous entendrons la chanson de circonstance « Leave », extraite de leur 10e album studio lancé en 1996, « New Adventures in Hi-Fi ». Rappelons que les membres ont décidé de dissoudre le groupe R.E.M. en 2011, après 31 ans d'existence. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 174 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici R.E.M. et la chanson Leave. C'était Audiomatic avec les électronistes. Nothing can bring me further from right or from time. I lost myself.